J'ai fini le pain au levain, le saucisson, le vin. J'ai encore faim. Passe-moi les sardines à l'huile, le chocolat, les tuiles, la part de pizza d'Odile, toute cette fringale, ça veut dire que je vais mal, je vais finir par imploser devant cette conne de télé. Aujourd'hui je commence un régime, devant les légumes je fais mon timide, j'ai la dalle, je suis tout vide. Je peux pas rester tout fébrile, dans la glace je me trouve vide, il me faut du sucre de vie. Cette fringale, ça veut dire que je vais mal, je vais finir par imploser devant cette conne de télé. Je mange pour combler des trous, mais la nourriture passe à travers ces fous. Entier noir abyssal, c'est flou. Enfin, j'ai faim, c'est tout. Je mange parce que j'ai plus d'envie. Je mange parce que je m'ennuie et que l'amour s'est enfui. Toute cette fringale, ça veut dire que je vais mal, je vais finir par imploser devant cette conne de.